Vous avez envoyé une lettre de demande de contribution financière à Jimmy Dimalo. J'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Joue pas pour le Canadien de Montréal, ce qui lui permet d'être un gagnant tout en donnant son 110% à chaque présence. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey, hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. La soirée est encore jeune, mesdames et messieurs, ce qui va nous permettre de nous remettre, hein? Ah oui. De nous remettre de la nomination de Pierre-Carl Péladeau, hein, président du CA d'Hydro-Québec. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, toute une nomination partisane, quand ben, même. Ben, oh, le partisane, là, pas tant que ça. Là, il va le faire gratuitement. Ben oui, mais c'est ça, la culture de Québécois. Hein, ouais. Ils payent mal. Ouais. Ça, c'est, ouais. Mais en même temps, regardez, regardez ce qu'ils font à LCN, au Journal de Montréal ou encore à Sun News. Hein, c'est presque toujours gratuit. Ouais, c'est vrai. Ça. Même. Ah oui. Mais d'après moi, ça va pas trop chioler sur Hydro-Québec au Journal de Montréal. Bon, non, hein, non, à part non. Peut-être Léopold Lauzon. Oui, ouais, mais qui lit Léopold Lauzon? Ah, ça, c'est la bonne question. D'ailleurs, je pense qu'il se relie même pas, lui. Non, non, mais... Non, c'est très, très premier jet. Ouais. Hein, ça confirme quand même que le PQ veut courtiser les nationalistes de droite. Oui. Hein? Ben, les nationalistes. Le nationaliste ouais. de droite. Ben, on va le nommer. Mathieu Bock-Côté. Et voilà, hein? Ouais. C'est tout. Franchement, dans le fond, tout ça pour Mathieu Bock-Côté. C'est fou. Ben, non, mais il y a Lucien Bouchard aussi. Là, faut pas l'oublier. Ah oui. Ben oui, ça va le calmer, ça. Ben, hein, oui. Parce que Lulu, hein, qui trouvait que le PQ était un peu trop à gauche ben, en oui. début de semaine. Puis ça, c'est fâchant. Ben, oui. Ça fait depuis septembre que le PQ essaie d'être à droite. Pas capable. Hein? Lulu le trouve encore trop à gauche. Ouais, mais en même temps, ça veut rien dire. Là. Il doit trouver que Lisanne Gagnon est communiste. Fait que... Ouais. Une communiste avec du vocabulaire, Fred, ça ne se peut pas. Hein? Tout décroté, on le sait. Parlant de post-pouvoir, il y a Justin Trudeau qui a finalement été couronné à la tête du Parti libéral du Canada. Ouais, hein? Ouais. Et j'aimerais féliciter Denis Coderre, hein, qui a préféré encore une fois attendre avant d'annoncer si peut-être il allait penser à se présenter à la mairie là, de Montréal. Ouais, il branle encore dans le manche. Oui. Ouais, non, méchant gros manche. Ouais, gros manche. Il est, c'est ce qui se dit. Très gros manche, Denis. C'est dans le milieu qu'il se dit ça. Moi, je sais pas. J'ai pas mais en fait, ce qu'il dit surtout, c'est que c'était pour pas voler la vedette à Justin. Et on connaît l'humilité légendaire de Denis. Ben ouais. Il y a un gros manche d'humilité ben aussi. Ben ouais, hein. Il y a comme plusieurs manches dans sa poche. Ouais. Ben, on peut dire ça ici. Hein? Ah, il y a le Parti conservateur qui, lui, a pas perdu de temps hein, pour casser du sucre sur le dos de Justin. Et je connais plein de filles qui licheraient bien ce sucre-là, et c'est pas toi des libérales? C'est une expression, Fred. Ouais. Ah, OK. Ah, ouais. C'est pour dire que le Parti a mis en ligne des publicités négatives sur Justin. Ben, ouais, mais c'est parce qu'ils ont peur de lui, je pense. Ils ont peur de Justin? Ben oui. Mais moi aussi, il me fait peur, à quelque part. Non, mais quand on y pense, un futur premier ministre avec un tatou... C'est vrai. Hein, on sait pas ce que ça non. peut donner. On n'a jamais vu ça. Non. Ben en même temps, il y avait Gorbatchev, son tatou dans le front. Ah non, mais je pense que... Ah, c'était une tache de naissance? Ouais. Ah, c'est ça. Ah, mais dans le fond, Justin, c'est comme une grosse tache de naissance, on peut dire ah. ça. Ah, pas avoir peur, ça a bien été, Gorbatchev, bien, bien fini. Évidemment, difficile de pas parler des attentats qui sont survenus au Marathon de Boston. Ça, c'était en début de semaine. Ouais. C'est très difficile. Il y a eu une belle vague de solidarité qui a soufflé un peu partout oui. en Amérique. Et puis dans le monde, en fait, oui. il y a beaucoup de joggeurs qui ont organisé des courses pour rendre hommage aux victimes. C'est oui. une très bonne chose. Par contre, on a très peu entendu parler d'un autre gros attentat qui a eu lieu en Irak, oui. hein, dans un marché public. On n'a pas entendu parler de non, ça. Non, oui, 55 morts. Ouais, ouais. Moi, je jogue pas, hein, mais je suis quand même allé faire mes emplettes au marché Jean Talon en hommage aux en victimes. En hommage, je trouve ça le fun. Ouais. Ça le... Non, c'est une bonne idée, Fred. Ouais. Une bonne idée. Puis moi, ben, j'ai mis de l'engrais dans mes plantes cette semaine. Je pense complète la semaine d'explosion. Moi, tout le monde que... est enragé, c'est parfait. Good. OK, on est correct. Excellent. C'est là qu'on se met dehors? Non. OK, c'est bon, on continue. Alors, toujours dans le domaine du végétal, oui. Ben, y a Richard Martineau qui... qui a des communistes en place, c'est sûr. Hein? Plein de communistes en place. Ouais. Il y a Richard Martineau qui a poursuivi sa lente descente dans les abysses de la raison oui. En faisant des liens entre les attentats de Boston, Al-Qaïda et le printemps érable. Ah, ça, c'était son intro, là, c'était mais le intro. Reste du texte, c'était quoi? Hey, je le sais pas. Après l'intro, je suis tombé dans un coma, mon non. gars. Je me suis réveillé 24 heures plus tard, tout nu, dans une fontaine de sangria autrement. Ouais, la belle vie. Oui, oui, je te regarde. C'était le fun. Honnêtement, c'était le fun. Pas que c'était là, mais c'était le fun. Hey, parlant de coma, il y a les Rolling Stones qui vont être à Montréal cet ouais, été. Non, mais on est excités. Ils viennent ouais. jamais à Montréal. C'est non. quoi, là, leur 3e ou 4e tournée, je pense? Non, c'est la 4e tournée d'adieu. Ah, 4e tournée d'adieu. Ouais, OK, ouais. c'est ça. Ouais. Ah ben quand même, les billets sont pas trop chers. Non. Hein? Oh, ça commence à 85 et ça va jusqu'à 685. Ah hein? Ouais, 685. Ah, mais quand même, c'est 2$ de moins qu'un billet de manif dans la rue de Montréal. Ben oui, ben oui. On peut y assister, ça va être la fun, ça, ouais. Franchement. Mais là, quand même, hein, c'est pour une bonne cause, Fred. C'est pour aider 4 personnes âgées à vivre dans la dignité. On oublie ça, ça. Hein? On oublie ça facilement. Ouais. D'ailleurs, parlant de manif, il y a la police de Montréal qui a rassuré hein, les bandits, les casseurs. Ah ouais. Ils vont pouvoir manifester sans donner leur itinéraire pendant les séries éliminatoires du Canadien de Montréal. Ah, ben là, c'est quoi? Le règlement P6, c'est juste pour les étudiants? Non, c'est juste pour les crottés. Ah, ça. Ben oui. Les crottés. En même temps, un masque de goaler, là, c'est pas mal moins dangereux qu'un masque de panda. C'est vrai. Uh-huh. C'est vrai. Ben oui, puis pareil, hey, puis je veux dire, la Coupe Stanley, là, ça a de la classe. Là. Oui. Avez-vous déjà vu quelque chose de pas de classe proche de la Coupe Stanley? Non. Jamais. Non. Non. Jamais. Jamais. Il n'y en jamais, a pas de problème avec la Coupe Stanley. Franchement, pourquoi on se stresserait avec ça? Hey, parlant de classe, nos deux invités de ce soir, ben, il y a un nom de la classe. Oui. On a tout d'abord l'humoriste Laurent Paquin. Ouais, un humoriste que le Québec a rapidement adopté? C'est une blague, ça? C'est peut-être à cause des blagues comme ça, Fred, que le Québec ne vous a jamais adopté en tant qu'humoriste. Les apartistes, hein? C'est le fun. On enchaîne. Non, ça devait être drôle, même. Ah, j'ai jamais vu de vos shows. Go! On reçoit également le chroniqueur de la presse et de Bazo.tv, Vincent Marissal. Ah, ouais. Bazo.tv. Oui. Une émission essentielle, mais malheureusement que personne n'écoute. On dirait que vous êtes amer depuis que vous êtes plus dans cette émission-là, Fred. Ben, c'est moins bon depuis que je suis parti. On va se le dire, là. Vous partez de beaucoup de choses, Fred. Enfin, ben, vous aurez en masse le temps de dire en pleine face à M. Marissal, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Merci d'être à l'écoute de la soirée. Olivier, oui. Qu'est-ce qui se passe sur les internets? Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir le maire de Toronto, Rob Ford, foncer dans une caméra de télé. Mais je vous rassure, la caméra a survécu. Ah, ben ça nous rassure. Merci beaucoup, Olivier. Hey, écoutez, grosse semaine d'actualité. Hein? Hey, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du lancement du musée Grévin à Montréal. Hey, c'est un musée de cire, ça. Wow, une collection de chandelles, c'est excitant. Non. Ce sont des personnalités publiques en cire. Ah, ils ont même fait une statue de cire de Ginette Reno. Paraît que les ruches ont fait un gros burn-out. Ben hey, c'est pas pour rien que les populations d'abeilles sont en déclin, voyons ben donc. Oui, ils en ont même pas eu assez pour faire Paul Cagelet. Humour social, Fred. Quand même drôle. OK. On a appris cette semaine, pour notre plus grand plaisir, que l'émission Fort Boyard allait effectuer un retour sur nos ondes. Ah ouais. On s'ennuyait-tu du père Fourard. Je me rappelle plus. Mais on s'ennuyait. Ben, des artistes qui meurent dévorés par des tigres, moi j'aime ça. Ah ouais, regarde, c'est le fun. Ça nous a quand même inspiré notre palmarès de la semaine. Voici donc 5 émissions qu'on aimerait voir revenir au petit écran. Ouais. En 5e position, Radio Enfer. Des adolescents attardés découvrent avec horreur leur code d'écoute. Ils perdent leur job et décident enfin de finir leur cégep. Ah, ben bon. Ça va être très bon. Ça finit bien. Oui. La poule aux œufs d'or. Des amis du Parti québécois au pouvoir se trouvent des grosses jobs et la poule commence à être pas mal tannée. Oui. Et Guy Mongrain réussit à faire un jeu de mots avec Pauline, Copinage, Amphithéâtre et Pierre Carl. Et tout le monde rit. En 3e position, fais-moi un dessin. Franck Zampino dessine son témoignage à la commission afin d'être plus compréhensible. Et Guy Mongrain réussit à faire un jeu de mots avec Applebaum, Mary et Asphalt. Tout le monde rit. En 2e position, le Club des 100 watts. Une émission pour enfants de TVA animée par Denis Lévesque, Claude Poirier, Mario Dumont, Richard Martineau, Robert Plouffe et Richard Latendresse qui, additionnés, font presque 100 watts. Et tout le monde rit. En première position... Passe-partout! Un mania de la presse se retrouve président du CA d'Hydro-Québec entouré de marionnettes! Et que ça va être bon! Et les gens rient plus, là. Et les gens rient moins, ouais. En tout cas, si on a l'électricité, rit. Fred, notre premier invité! Humoriste émérite, improvisateur hors pair et morning man défroqué, il nous revient avec un nouveau spectacle intitulé « L'erreur est humaine » et ça tombe bien, il est lui-même très humain! Accueillons Laurent Paquin! Bonsoir! Hey! Bonsoir. Laurent Paquin! Merci! Soyez-vous! Bonsoir! Hey, première chose, On est extrêmement heureux d'avoir enfin un humoriste qui fait de l'argent dans notre show. Parce qu'on a eu Guillaume Wagner. OK. Fait que tu sais... Non, c'est incassé. Ben, c'est ça. Ben, c'est normal. Il est parti avec une coupe de bouteilles vides. Pauvre petit. Tu sais, en même temps, mais c'est correct. C'est correct, ça va payer son loyer. On parlait de votre inestimable richesse. Oui. Votre secret, c'est probablement que vous êtes partout. Hein? Ben oui. Vous avez, je regardais votre carrière. Non, non, mais on va être quoi? On va être honnête, on est entre amis. Ben pas tant que ça. Ben je suis à bien des places. Ouais. Ben c'est ça. J'avoue, humoriste, comédien, improvisateur, chanteur. Ouf, ben ça. Ben quand on peut dire qu'on est chanteur. Quoi qu'il y a plein de monde dans cette année. Il y a Jacques Villeneuve. Non. Ouais. C'est sûr que c'était pas. Mais en même temps, vous avez plus de talent que Jacques Villeneuve. Oui. Ah! Oh! Ça a été... Et même pour conduire une auto, je pense. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'on parlait de l'oncle, là, ou? Non, là, le vrai, le okay, l'oncle, bon. Je le connais moins. Je connais Pierre Verville qui fait l'oncle, mais je connais pas le... Hey, boy, ça fait longtemps, ça! Ah ouais, ça, écoute, c'est sa première... Rire, ça, c'est sa première imitation qui l'a rendu célèbre. Ben oui! Ouais, ah oui! Ben oui! À l'époque, il faisait un duo avec Daniel Lemire en spectacle. Les deux étaient pas connus encore. C'est vrai. Il s'est tiré le cou, puis il se gonflait le cou, puis il disait... Vous me reconnaissez? Il faisait E.T. aussi. Il faisait E.T. aussi. OK, OK, les mononcles, on en parlera plus tard. Vous, on parlait de comédie. On est-tu si vieux que ça, Fred? Ben, par rapport à Jean-Philippe, oui. OK. Ouais. Moi, j'ai... Non, j'ai 33. Ah, t'es juvénile. Ben là, juvénile. J'ai... Mais c'est pas tant que 33 qu'il n'y a aucune culture. Moi, non, c'est ben, ça. C'est ça, je le remarque au bureau, c'est affligeant. Pas de blague, là, c'est... Ah non, hey, honnêtement, je dis, il faisait des jokes d'entre chien et loup tantôt. OK, puis ça te disait rien, Bantou? Ben non, ça me disait de quoi, mais je me disais, à un moment donné, c'est parce que vous allez comme plus être là pour les rire, ces blagues-là, tu sais, penser à d'autres mondes. OK, on parlait de comédien, puis je vais en parler, ça. Vous jouez dans Les Boys, dans le prochain film, ah, Les Boys. Ah, un tout petit rôle, un tout petit rôle. Ah, ben quand même, un tout petit rôle. Ouais, ouais, ouais, je veux dire, on s'en ennuyait des Boys. Ben, il n'y a pas assez de films des Boys. Non! Hey, regarde, c'était ça, c'est le fun, il n'y en avait pas assez, c'était ma prochaine question. Ah oui? Oui. Ben, je pense, le pire, c'est que toi, je pense que c'est celui qu'on a fait là, c'est peut-être le premier d'une série. C'est à... Parce que... C'est-à-dire? C'est... Ça se passe dans les années 60, oui. À l'époque de quand les Boys se sont connus. Arrête. Donc, c'est des enfants qui jouent les rôles des Boys. Ah, ouais. Ah. Donc, ça marie plusieurs passions des Québécois au cinéma, c'est-à-dire faire des films qui se passent dans les années 60 oui. Et des films avec des enfants. Donc, c'est un mélange de Pee-wee 3D films ouais, et des films de hockey. C'est ça. Wow. Puis c'est des enfants. Et sérieusement, les enfants sont bons en tabarouette. Enfin, des bons acteurs jouent les Boys. Pas moi, mais... Hein? Ah non, mais... Vincent Guzzo doit perdre connaissance. Vincent Guzzo, oui, oui, je pense. Mais le pire, c'est que je pense que ça va être bon. Sérieusement. Arrêtez donc. Je pense que oui. J'ai vu les enfants, ils sont excellents. Sérieux. À cause des enfants. Oui. Ben, les boys qui sont, mettons, Marc Messier, Pierre Lebeau, tout ouais, ça, ouais. Ils jouent les pères de leurs personnages. Oh. Arrêtez donc. Ben oui. C'est une mise en abîme, en plus. C'est malade. Comment? Une mise en abîme. Une mise en abîme. Voilà, aucune culture. On enchaîne. Bon. Vous avez aussi beaucoup d'opinions. Pendant le printemps arabe, on vous a suivi. Et ça, ouais, c'était ouais, fun. Ouais. Ah, oh. Tu m'as suivi pendant le printemps arabe? Oui, ouais, ah, parce qu'après ça, vous êtes moins... plus tranquille sur Twitter depuis une couple de semaines. Beaucoup plus tranquille sur Twitter. Ouais, ouais, je me ouais. suis royalement écœuré de ben Twitter. Ben oui! Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus tranquille sur Twitter. Ben oui, parce que on vous a suivi donc pendant le printemps arabe. Vous étiez ouais, un ouais, peu ouais. du côté des étudiants. Ben les, oui, pas mal. Les gens vont applaudir. Ah non, c'est tous des maudits gauchistes. C'est bien. On non, est mais tanné, je me... en fait, j'étais du côté des étudiants, mais je me suis tanné rapidement quand tu réalises. Ben, c'est parce que moi, j'avais tendance à croire que les cons étaient plus d'un bord que de l'autre. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je suis comme un pendule, mais qui est repoussé. Tu sais, l'aimant qui est repoussé. Oui, oui, oui, tout bon, le temps. Ben, tu sais, je suis comme repoussé vers la gauche parce que les cons de la droite m'énervaient. Ouais, j'ai été repoussé. J'ai été repoussé jusqu'à temps que je rencontre les cons de la gauche. Ah, ouais. Et ça m'a ramené un petit peu au centre. Ouais. Et j'ai réalisé que tu ne peux pas dire quelque chose et penser que les gens vont comprendre ce que tu voulais dire. Ah, ça, c'est clair. C'est à peu près impossible. C'est pour ça qu'on a un très petit bassin d'auditeurs, nous. Hein? Oui. C'est. Comme ça, personne ne se trompe. On les connaît tous. Puis encore, oui. Non, mais c'est pour ça qu'il y a du public. Si les gens ne comprennent pas la joke, ils savent qu'il faut rire parce que le public a ri. Exactement. C'est exact. Ben, c'est à ça que ça nous sert. On les paye. Hein? Oui. C'est pas pour rien qu'on leur donne de la bière. D'ailleurs, voulez-vous une bière? Non, c'est, merci. Mais c'est une bière sans gluten. Non, non, je bois de l'eau, moi. Arrêtez donc. Ben, mais oui. C'est bon pour la santé, les bières sans gluten. C'est bon sans gluten parce que le pain sans gluten, ça goûte le chien. Ah non, c'est pas ça ma affaire. On va s'en aller. On s'en partage. Mais le pain saoule pas. Oui, c'est ça l'affaire. C'est une Glutenberg. C'est fait ici, ça. Goûtez ça. Pour vrai? Oui, vous pouvez l'acheter après. Pour vrai, sérieusement? Non, elle est pas pire, pour vrai. 100% gluten-free. Ouais, bon, OK, attends, je fais. Ouais. En plus, c'est écrit en anglais. On peut s'en faire. Dites-nous. Au pire. Dites-oui. Ben, elle est surprenante. C'est une commandite? Ouais. Ouais, OK, bonne. Bon. Excellent, on peut acheter. Il n'y a pas de problème. C'est un pour en parler un peu. OK, ah, okay. Ben, je suis content. La Glutenberg. Okay, good. mais vous êtes quand même ici pour parler de votre émission. Pas mon émission. Votre nouveau show. Mon nouveau spectacle. One-man show. D'ailleurs. Je suis ici pour parler de ce que tu veux. Ben, je réponds aux questions. Parce qu'on vous paye pas, c'est pour ça qu'on le reçoit. Pas payé, est-ce que. Ah, on me dit que vous êtes payé. Ah, faut qu'on parle pas de votre Podman Show. Ben non. On parle de ce que tu veux. On parle n'importe quoi. Quelle autre question que j'avais? Y en a-tu des humoristes? Ah, ben, elle a déjà été faite, elle. Oui, la question a déjà été faite. Non, mais ça fait longtemps que c'est pas ressorti dans les médias, là. Sérieusement? Ça fait longtemps? Moi, je trouve que ça fait longtemps là, qu'on s'est pas demandé les humoristes vont-ils trop loin, puis tout ça. Ah, mon Dieu, que c'est plate comme question. Ben non, mais tu sais, jusqu'où peut-on aller sous le couvert de l'humour? Tu sais, c'est toutes des questions que. Ça va être sûrement un dossier aux 5 ans, puis là, il me semble qu'on a sauté un 5 ans, là. C'est vrai, on pourra poser. Est-ce que les humoristes vont trop loin? Là, je peux pas répondre à ça. Non, honnêtement, c'est un peu. J'ai un show à plugger, donc tu vois. Ouais, non, je comprends. Faut que je sois full consensuel. T'sais. Ouais, je comprends ça. Alors, votre prochain one-man show, c'est L'erreur est humaine. Non, c'est correct. Ouais. L'erreur est humaine. Vous commencez votre tournée bientôt, Ouais, vous rassemblez les gens en parlant des erreurs. Hein? Ben, entre autres, en fait, c'est le show... C'est ce que le PQ fait depuis 2 septembre. Oui, c'est ça. Oui, en fait, l'erreur est humaine. Le show, je le vois en deux volets. Il y a l'erreur et il y a l'humain. Donc, il y a une partie du show, je parle des erreurs qu'on fait. Je parle d'erreurs de jeunesse. Je parle des petites erreurs de la vie de tous les jours. Puis, je parle aussi de l'être humain. L'être humain qui est bizarre, l'humain qui est fucké, l'humain qui a des dépendances. J'ai un numéro long de même où je parle de dépendance en partant des gens qui ont des dépendances comme manger du papier de toilette. Tu sais, les émissions bizarres. Strange Addiction, et j'en viens à parler de ma dépendance. Je parle de ma relation avec la bouffe et tout ça. Pas au papier de toilette, toujours. Non, ça, j'ai slacké là-dessus. Ah ouais? Mais c'est plein de fibres. Ben, mais ça se digère super bien, par exemple. Oui, en plus. Moi, mon chien mange constamment. Il est en pleine santé. Hey, j'aurais tellement de choses. Je voulais parler de politique, mais on va voir Vincent Marissal dans quelques minutes. On pourra parler de politique ensemble. Ben, parler de politique avant Vincent Marissal, j'aimerais mieux pas. Ah oui? Ah ben c'est parce que c'est... Non, moi, c'est mieux avant qu'après, parce qu'après, j'aurais l'air plus cave encore. Ah, pensez-vous? Ouais. Ah non, mais on va parler de vos engagements politiques. Ah, okay. Si vous voulez pas faire un peu de politique à un moment donné dans votre vie, ça vous tenterait pas, ça? Ah oh, non, jamais de la vie. Bon, on va vous la reposer tantôt, okay. Vincent, quand même. OK, parfait. Au pire, changez votre réponse d'ici là. OK. Ça pourrait peut-être engager. Je vais essayer d'en trouver une plus drôle. Ouais, c'est ça. OK, excellent. Vous restez avec nous toujours? Oui. OK, parfait. C'était le couronnement de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada ce week-end. Et comme on le mentionnait plus tôt, le Parti conservateur n'a pas attendu pour diffuser des publicités négatives. On a d'ailleurs mis la main sur une autre publicité qui sera diffusée sous peu. On écoute. Justin Trudeau. Il est l'héritier d'un nom connu, mais a-t-il le jugement pour être un premier ministre? Tu sais, le genre de jugement pour faire des pubs négatives. Anyway, il a dit qu'il songerait à faire du Québec un pays. Peut-être que je songerais à vouloir faire du Québec un pays. C'est épeurant, hein? Il a reproché aux conservateurs d'avoir utilisé le mot « barbare » pour décrire les soi-disant crimes d'honneur et la violence culturelle faite aux femmes. Franchement, c'est comme de dire que le sénateur Patrick Brazeau est un barbare culturel. Justin Trudeau, il n'est pas à la hauteur. Et comme on a mis la barre tellement basse, c'est vraiment tout un statement de dire ça. Hey, quelle bonne publicité, là. Ah! Oh, boy! Ah! Hey, toute l'équipe, on va le dire, toute l'équipe se porte beaucoup mieux maintenant qu'on a réussi à se débarrasser de notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Ah ouais. Woop! Moins de malaise. Une ambiance. Ah ouais, au travail. Bon, on peut travailler, pas ben, vraiment. On se fait pas tout le temps nier. En tout cas. Alors, une libération pour tous, c'est clair. Et cette semaine, laissez-vous bercer par la douce voix de notre reporter tout-terrain. La seule, l'unique, la nobody Catherine Desormeaux. Bonsoir, Catherine. Enchantée, high five à distance. Ah, Colin, j'ai pas entendu ce qu'elle disait. Ce qu'elle disait? High five à distance. Elle est déjà plus drôle, hein? Honnêtement. Oui. Alors, allez-y, là. Écoute, mais non, mais je vous écoutais d'une oreille, là. Oui. C'est bon, chaud ce soir. Ben, mais mon Dieu, c'est agréable. Hein? Quelqu'un qui a pas donné des critiques positives. Oui. Bon, allez-y quand même, là. Vente fraîcheur. Oui. Hey, écoutez, ce soir, les gars, je vous parle teton. Ah, ben, Colin Debine, que ça va être bon, ça. Il faisait pas ça, Jean-Sébastien. Il parlait jamais de ça. Non, c'est vrai. Il était tout le temps concentré sur ses affaires. On va arrêter de parler de Jean-Sébastien, honnêtement. Mais peut-être oui. Qu'il nous écoute. Ça serait peut-être désagréable pour lui. Alors, vous parlez de teton, mais vous parlez de teton pourquoi? Ben, parce qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est une étude qui stipule que le soutien-gorge est un faux besoin pour les femmes. Mm-hmm. Mais ça, clairement, hein, c'est pas une femme qui porte du G qui a piloté cette étude-là. Hein. ça, c'est clair. Non, non, c'est un docteur français, Jean-Denis Rouillon, qui a observé pendant 15 ans 260 nénés gigotés sans soutif pour venir à la conclusion que vos brassières, mesdames, affaiblissent, bien sûr, vos tissus mammaires. Ah, ben voyons donc, c'est donc bien intéressant, ça. Ben oui, puis comme moi, je crois tout ce que je lis, mais je me balade comme un dos sous ma blouse depuis la semaine passée. Wow, faites attention quand même, hein? Ben oui, mais là, avant de vider mes tiroirs, là, je me suis dit que j'allais quand même approfondir le dossier, donc j'ai décidé de rencontrer la référence scientifique au Québec, un homme qui a pas peur de se mettre les nez en plein dedans, le co-animateur de l'émission Géniale, Docteur Martin Carly. Ah, bonsoir Martin. Bonsoir Jean-Philippe. Eh boy, pour parler de tonton avec mon chum Martin, on va être le fun ça. Effectivement, je me demande qu'est-ce que je fais là présentement. Tu me parles de tonton? Non, mais tout d'abord, docteur, laissez-moi questionner l'exactitude des conclusions de cette recherche. Quand je pense à ces femmes de tribu papou qui, sans se dégorger depuis la naissance, peuvent quasiment jouer au cloche-pied avec leur sein. J'en arrive pas mal à la même conclusion que toi, Catherine. Surtout qu'on s'entend que le soutien-gorge, là, dans l'évolution de l'espèce humaine, là, on parle quand même de quelque chose qui est assez marginal. On parle de quoi 2-3 000 ans, alors que l'espèce humaine existe depuis plus de 200 000 ans. Donc, c'est assez récent comme invention. Ben, merci beaucoup, Catherine. Hein? On a très hâte de venir vous parler. OK, bye-bye. Y ont-tu vraiment parlé de ça? Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui en laisse autant penser que Carey Price. Ben, mesdames, vous savez à quoi vous en tenir, hein? Oui. Si on peut le dire. Oui. D'ailleurs, c'est notre moment d'humour social, Fred Savard. Oui, oui, mais non, mais j'ai envie de prendre une pause côté humour cette semaine, Jean-Philippe. Encore? Oui, d'accord, c'est ça. Certains diront que ça fera pas de différence avec les autres semaines, mais je ne m'occupe plus des sépulcres blanchis depuis Belle et Lurette. J'ai plutôt envie de profiter du passage de nos deux invités pour faire un saut dans le passé, puisque nos deux invités sont intimement liés à ma vie professionnelle et ils l'ignorent totalement. Fait une chance pour eux. Oui, oui, oui. Non, non, mais alors j'ai pensé que ce serait intéressant. Ben, surtout pour moi-même et accessoirement pour vous tous, de revenir sur mon fabuleux parcours qui fait l'envie de bien des gens. D'abord, Vincent Marissal, avec qui je partage au moins un point commun. Non, ce n'est pas la rigueur intellectuelle, j'en suis totalement dépourvu puisque je l'ai vendu en 91 lors d'une période difficile sur le plan fiscal. Non, enfin moi et Marissal, partageons une même alma mater, c'est-à-dire le séminaire du verbe divin, une auguste institution des cantons de l'Est. C'est tout à fait véridique. Donc, je vous ramène donc en 1983, vos parents n'étaient même pas né, Vautier. Le succès de l'heure était « I want a new drug » de You Always in the News. Ouais. Je ne prenais toujours pas de drogue à l'époque, mais j'ai commencé tranquillement à m'intéresser à l'actualité. Et c'est donc à cette époque que je fis une première expérience qui alla changer ma vie. Non, ce n'était pas le grand mambo ou ce que les Français appellent faire crac-crac. Non, je fus dépucelé au séminaire. Mais non pas du manche, mais bien de la scène. J'avais 12 ans. L'année scolaire se terminait, on remettait les prix méritas au palace de Grimby. Et c'est là que j'eus la chance de me produire pour la première fois devant une foule déjà conquise, c'est-à-dire nos parents. J'avais remplacé au dernier moment le cousin d'un ami dans un sketch parodique de Ding Dong qui s'appelait Ting et Tang. Nous avions... C'était tout à fait véridique. Nous avions des vestons tachés de rose comme les vaches, chose qui aujourd'hui nous vaudrait probablement des accusations d'intimidation. Nous faisions des blagues assez méchantes sur nos professeurs et la direction. Déjà, les germes de ma légendaire dissidence envers les pouvoirs en place étaient présentes. Mais c'était aussi à cette époque que je bénévolais pour l'équipe de Jean Lapierre, alors jeune candidat du PLC dans le comté de Sheffield. J'étais baveux, certes, mais pas encore cohérent. Oui, j'étais baveux. C'est sûrement difficile à imaginer pour vous aujourd'hui, mais à l'époque, personne ne m'aurait contredit là-dessus. À un point tel que je me fis même calisser dehors du séminaire en secondaire 4, ce qui m'obligea à non seulement doubler mon année, mais surtout à la terminer dans une école publique, une disgrâce que je mis des années à oublier jusqu'à mon entrée à l'université. Et c'est là que Laurent Paquin entre en scène. Il l'ignore encore aujourd'hui, mais c'est carrément grâce à lui que je pus poser les premières pierres de l'édifice qui allait devenir la formidable carrière d'exception que je poursuis pour votre plus grand plaisir. Donc, je fais mon entrée à l'université. Ouais. Rongé par la drogue douce et les filles encore plus douces, je frappe mon Waterloo académique. Mais la radio étudiante me sauve à la vie. CISM, 1995. Le référendum est derrière nous depuis quelques semaines. On a perdu à cause de quoi, hein? Le scotch et la région de Québec. Un sentiment d'oubli et de débauche habite une bonne partie de la jeunesse estudiantine. Des amis décident de sortir de leur torpeur en créant une émission de radio pour la période estivale. 2 heures, dimanche matin, liberté totale. L'émission s'appelle Les Amants d'Esther. Il y a Daniel Malenfant et Christian Vanasse, des vieux chums d'impro et Patrice Desilets, un gars que je ne connais pas et qui plus tard propulsera la franchise Assassin's Creed au sommet du jeu vidéo mondial. On dirait un musicographie à Musique Ben oui, c'est ça! Après la pause, ils rencontrent contre David Bowie et ton ballon frère de l'héroïne. Non, mais je les envie un peu. J'aurais bien aimé faire de la radio à l'époque, mais il n'y a plus de place dans l'équipe puisqu'il y a aussi Laurent Paquin, un diplômé de l'ATM de Jonquière et ami du dénommé Malenfant. Laurent Paquin fait les deux ou trois premières émissions, mais doit se retirer pour des causes qui ne se répètent malheureusement pas à la radio, surtout public. Non, c'est pas vrai, on se rappelle plus pourquoi il pouvait plus les faire. Alors, je remplace donc Laurent pour la durée de l'émission, c'est-à-dire 3 ans jusqu'en 98, et sans le savoir, ma vie allait prendre l'autoroute du succès. I see. L'émission nous permettra de peaufiner un langage, des concepts, un univers que nous allons mettre à profit, Valence et moi, quelques années plus tard, dans la formidable groupe Les Apartistes. Formidable jusqu'à ce que je le quittasse en mai 2005, amorçant pour le groupe une lente agonie dans les méandres de l'anonymat. Je dois donc remercier en quelque sorte nos deux invités de ce soir qui, sans le savoir, ont été déterminants dans ma fulgurante carrière. Et cette fulgurante carrière vous permet, vous aussi, d'en profiter, vous aussi, puisque nous sommes, on le répète, en nomination pour l'Olivier de la meilleure émission de radio. Un honneur que l'on doit en grande partie à ma plume acérée et parfois hilarante. Alors merci Laurent Paquin et Vincent Marissal, car grâce à vous, je peux mettre du caviar sur mes toasts. Hey, tiens. Le gars, à chaque semaine, il fait un hommage à un invité. Cette semaine, il fait un hommage à lui. Ben oui, c'est ça, hein? C'est bon. C'est écœurant pareil. Je vous le promets, la semaine prochaine, je fais des jokes. Ouais, c'est ça. Non, mais le monde on rit. Quand vous étiez en train de vous trouver bon, le monde riait. C'était correct. OK, on retourne discuter avec Catherine. Catherine, désormais, bonsoir. Hey, avez-vous écouté la chronique de Fred? C'était bon, hein? Quelle belle balade dans le passé, Fred. Bon! Enfin, quelqu'un qui aime une de vos chroniques, oui. Fred. Oui! Hein? C'est bon. Ben, OK, good. Fait que parlez-nous de vos tontons. Mais je suis toujours en compagnie du bon docteur Carly. Écoutez, docteur, je pense que ça vous a mis un beau fusil, hein, cette étude-là. Ben, en fait, je trouve que c'est le genre d'études qui tombent dans le lot des études, genre pourquoi est-ce qu'elles existent? Parce qu'en fait, il y a comme plusieurs problèmes avec une étude comme ça, à commencer par le fait que l'échantillon de femmes qui ont été utilisées pour cette étude-là n'est pas du tout représentatif de la population générale. Disons, le bon docteur Rouillon s'est aidé, si on veut, en choisissant des femmes entre 18 et 35 ans, sportives, ne portant que du B ou du C et étant très minces. Donc, il s'est dit, de toute façon, ça tombera pas. Fait que je suis sûr d'avoir une conclusion assez fidèle à la fin. Un petit tâton musclé. Ouais, finalement, exactement ça. Il a même montré que, dans certains cas, on parle de sportives, les mamelons montaient au lieu de baisser. Sûrement qu'il y avait une question de masse musculaire qui a aidé à monter ça. Et que le soutien-gorge, lui, il changeait rien là-dedans. Mais là, tantôt, on a parlé de solutions spatiales. Vu qu'on est sur Terre, là, quelle solution est-ce qu'on peut utiliser, là? Oui, ben sur Terre, ben il y a deux. Je vous propose deux solutions toutes scientifiques, pas pratiques du tout, mais quand même. La première, ben si la gravité tire vers le bas, faudrait compenser par une force vers le haut. Mm-hmm. On peut penser vite de même à la poussée d'Archimède. Alors pourquoi, mesdames, ne déambuleriez-vous pas avec votre propre aquarium autour des seins? Finalement, il y a une force vers le haut, la poussée d'Archimède qui va pousser vos seins dans l'eau vers le haut. Ils vont moins pendre vers le bas. Oui, effectivement. Et si vous n'avez pas, disons, la possibilité d'aller sur la station spatiale internationale et vous voulez être en état d'apesanteur, pourquoi pas aller dans un avion qui est en chute libre vers le sol pendant quelques secondes, vous serez en état d'apesanteur et vous ne vous soucierez plus de vos seins de toute façon. Merci, Dr. Carly. Très pertinent. Alors, Jean-Philippe, je me dirige présentement vers une lingerie deuxième peau et puis là, je vais interviewer des spécialistes de la poitrine. Et qu'on a hâte. Ah oui. On s'en reparle tantôt. Bye-bye. Bye-bye. Chroniqueur au Journal La Presse et à l'émission Bazo.tv, il est surtout un observateur chevronné de la politique canadienne et québécoise et un grand fan de la NFL, alors je le respecte. Accueillons M. Vincent Marissal! Vincent! Hey, est-ce que vous voulez une bière? C'est la bière qui a été ouverte par Laurent. Il l'a remis dedans. Ouais, j'ai plus dedans, là, par exemple. Non, c'est bon. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette belle nouvelle cette semaine, La Presse Plus! J'ai pas grand chose à voir là-dedans. Ah, c'est pas vous. Non, mais c'est toute qu'une histoire, c'est La Presse Plus. Oui, plus! Oui, mais là, vous parlez un dinosaure. Ah, vous êtes pas plus, vous. Ben, non, à regarder les jeunes qui ont envahi mon environnement de travail depuis quelques temps, qui m'appellent tous monsieur, d'ailleurs. Ben, vous êtes un peu... Je me suis rendu compte que je suis totalement dépassé. OK, ouais, OK. Fait que je suis plus dépassé que plus. À ce point-là, notre réalisateur vous comprend. Bien heureux. Ouais. Bien heureux du produit, cela dit, mais très, très sérieusement. C'est sur une tablette, hein. À mon âge, qui est pourtant pas très avancé, je constate que je suis pas dans ce gang-là, moi. Non? Je suis déjà dépassé. Puis je me demande même parfois qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, ce matin, il y avait quand même ma presse papier sur le perron chez moi. Ah! Vieux dégueulasse! Papier! J'étais allé la chercher, me suis caché, d'ailleurs. Ben oui. Issu des arbres. Ben oui! Ah! Alors qu'un iPad, un iPad, ça tue personne. Sauf les dépotoirs chinois qui sont pleins de cochonneries d'abord qui t'offrent pas la robe. Non, je me suis caché parce qu'il y avait un trou dans mon pyjama que je voulais pas avoir honte devant. Néanmoins, je suis allé chercher cette chose qui est un papier journal. On a pris du super papier de qualité qui avait l'air d'une annonce de Old Train Fruit, plus que de la presse. Puis j'ai remonté ça, puis j'ai mis ça sur ma table avec mes enfants. Vous utilisez encore une table? Qui me regardait un peu. Oui, c'est pratique pour asseoir les enfants. Et puis à côté, il y avait mon iPad. Puis en fait, mes enfants ont leur iPad aussi, parce qu'il y a plein d'iPads partout maintenant. Ça pullule, hein, ces choses-là. Ça pue l'iPad. D'où le projet du plus. C'est ça. C'est un peu ça. Puis j'ai eu comme un moment de doute. Je garde mon journal. Je voudrais garder mon journal. Vous avez écrit samedi, Justin Trudeau, rockstar ou futur premier ministre? C'est-tu une vraie rockstar? Vous étiez sur place, là. Ben, j'étais sur place, puis je l'ai beaucoup suivi, surtout au Canada anglais. C'est une rockstar. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé le terme rockstar. Il y a même des gens qui se sont mis à m'ostiner en disant rockstar, ça fait... Parce que c'est en anglais? C'est une expression. C'est une expression, mais c'est une vedette. Il faut le voir débarquer dans certains endroits, dont notamment au Toronto Star, à Toronto. Ben oui, Chantal Hébert a beaucoup aimé son Justin. Ben Chantal, elle a été impressionnée par quelqu'un. Ouais, qui trippe? Qui trippe tant que ça? Est-ce que c'est les personnes âgées qui trippaient sur son père? Il y a de ça, y compris au Québec, mais il y a des jeunes aussi. Et ça, c'est la nouveauté. Puis on peut rire de Justin, on peut dire qu'il manque de contenu, on peut rire... Oui, on peut! On ne rirait pas de ses cheveux, on ne rirait pas des cheveux de personne. On ne rit pas des cheveux de personne, honnêtement. Je vous demande de ne pas rire des cheveux de personne. C'est extrêmement déplacé, moi aussi, je trouve ça, franchement, Laurent. On s'entend bien là-dessus. Le couple avec Sophie, ils forment une espèce de couple un peu présidentiel, ou même, c'est notre monarchie, c'est notre nouvelle monarchie. Sauf que c'est vrai qu'il attire beaucoup, beaucoup de monde. À l'inverse, il y a des gens qui le détestent. Qui le détestent profondément, là, qui ne veulent même pas lui serrer la main. Mais il ramène du monde. Il ramène les vieux libéraux, c'est vrai, surtout les vieilles libérales. Mais... et même les libérales tout court. Mais il amène aussi des jeunes qui sont intéressés par, je sais pas, sa fraîcheur. Même son côté jet-set, ça plaît. Faut dire qu'il est en concurrence avec un gars qui n'est pas trop jet-set. Là. Non. Même deux, M. Mulcair, M. Harper, ça fait pas trop jet-set. C'est ça. Un gars qui barbe, ça... Peut-être que la fraîcheur de... Puis je dis pas qu'il est frais, mais la fraîcheur de Justin va l'aider à passer dans ce monde-là qui, ma foi, est assez plate. Là, pour... en fait, vous faites un peu le même job. L'humoriste et le chroniqueur politique, vous devez utiliser ce que l'actualité vous donne. Vous devez utiliser les acteurs politiques. Vous avez vu Jean Charest pendant une couple d'années. Nous autres aussi, énormément, Jean Charest. C'était bien le fun d'utiliser. On se doutait pas que Pauline allait être le fun demain. C'est de la bonne matière première. Et là, au fédéral, ce qui s'en vient, est-ce qu'on préfère Stephen Harper ou on préfère Justin Trudeau? Je vais commencer avec Laurent. Pour moi, le pire scénario, c'est Harper. Alors, j'aime pas particulièrement Trudeau, mais je me surprends à souhaiter qu'il soit premier ministre. Ah, c'est ça qui se passe. C'est dommage quand tu dis c'est le moins pire des deux qui. Je déteste Harper. Vous êtes, de toute façon, il va falloir qu'on coupe ça. À Radio-Canada, on n'a pas le droit de dire ça. Faire des jokes sur les gens que je déteste, ça paraît après que tu les détestes. Ah, ouais, fait qu'on fait pas de jokes sur Stephen Harper? J'en ai fait, mais. Faire des jokes. Quand tu règles des comptes, ça fait des frettes parce que les gens le sentent que t'aimes pas. Alors, mettons que mes jokettes vont... Je vais peut-être en faire, mais j'aime pas trop m'attaquer à des gens en sachant très bien que je les aime pas du tout. Et peut-être que c'est peut-être aussi parce que j'arrive pas à trouver ça drôle souvent. Donc, ça va être plus payant pour un one-man show d'avoir Justin Trudeau comme premier ministre. Probablement. Ça risque de toucher plus le monde aussi. Oui, on imagine. Hein, puis même chose aussi pour... C'est caricaturer un reptile, parce que Harper, il a un côté très reptile. Il est très froid. Ça fait un politicien hyper efficace. Ouais. C'est une tête, hein. C'est une tête politique. Vous vous aidez pas à passer à Radio-Canada. Redoutable. Hein? Non, mais de toute façon, il va fermer ça. Je m'en fous. Okay. Je vais envoyer mes derniers cachets, puis vous allez fermer ça après. Ah oui? À la Presse Plus, y a-tu beaucoup d'ouverture? Ben oui, puis vous m'avez l'air assez jeune pour entrer. Ben c'est ça, moi j'utilise un iPad. Il y a Fred qui n'a pas ça encore, mais Fred vient de s'acheter un téléphone intelligent. Oui. Pour vrai. C'est vrai? Oui. Ça faisait pas longtemps, il écrivait des textos après le 777, 3-3-3-4-4-4-4-4. Non, mais ça s'en vient. Ah, je suis bien content, j'ai l'impression d'être dans mon siècle. Finalement. Bon, good. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Laurent Paquin. La politique, ça vous intéresse-t-il? Puis il m'a répondu oui, je pense, en second stade. Non, moi non. Non, OK. J'ai compris oui. Moi, ouais, ouais, moi aussi. Mais on n'a pas, pas besoin de personnes comme ça en politique. Vous couvrez la politique depuis assez longtemps pour savoir que ça devient plate. Oui, mais je deviendrais plate si je faisais de la politique, parce que si je restais comme je suis, je me ferais mettre dehors de tous les partis. Mais ils sont tous très contents. La nomination de Pierre-Carl Péladeau, hein? Au PQ? Je pense pas. Ah! D'accord. Je pense pas qu'ils sont très contents non plus de voir Mme Marois couper les CPE ou taper sa tête des assistés sociaux. T'sais. Dans le cas de Mme Marois en particulier, permettez-moi une petite chronique, là, c'est ça que je fais. Go. Allez-y. Pauline Marois qui coupe les CPE, c'est pas juste une compression budgétaire stupide, c'est un infanticide. Elle mange son bébé. Ouais. C'est vrai que c'est Et en plus, elle tape sur sa clientèle. Ouais. Je comprends pas. Je sais que Mme Marois elle a un entourage autour d'elle, je pense qu'ils font pas leur job, je pense qu'ils la desservent. Puis Agnès Maltais qui tape sur les assistés sociaux. Et quoi, ils veulent absolument que Amir et Françoise restent à l'Assemblée nationale pour les années à venir, puis peut-être en faire élire deux, trois autres à Montréal aussi, c'est ça? Ben, c'est ça le plan. C'est ça le plan? C'est une conspiration. C'est peut-être une taupe de Québec solidaire, Pauline Marois. C'est une stratégie, finalement, puis elle se dit que peut-être... Son condo est payé, il n'a plus rien à perdre. Il va y avoir... Ouais, puis son mari vit sur une belle pension, comme chacun le sait, alors... Hé, mon Dieu, qu'on est lanxal ici, puis c'est pas notre genre, ça, on va arrêter ça tout de suite. Vous c'est dégueulasse. Je m'écœure. Ouais. Parlant d'intimidation, non, on n'en parlera pas là-dedans. Merci, Vincent, vous restez avec nous. Hey, pas de bière, c'est sûr. Hein? Ben, là, il est plus tard, là, je pense. Ouais. Non, ouais, j'ai sûr. Le bac est là, servez-vous. Ouais, mais donnez-moi une vraie bière, là, pas une affaire, pas de gluten. On n'a pas. Hey, ça, j'ai pas le droit de le dire. Non, mais elle est étonnante. Elle est étonnante. Ah, oui. La Glutenberg, une bière étonnante. OK, bon, on passe à autre chose. On a le slogan. Fred, notre prochain chroniqueur. Après 41 semaines d'écoute intensive de la radio Jean-Bonne, il semble avoir conservé toutes ses facultés. Et en voici la preuve, puisque c'est le moment de la chronique d'Olivier Niquette! Olivier Niquette, qu'on s'ennuyait de vous. Ah, merci. OK. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité cette semaine, ce qui a fait beaucoup d'ombre au sujet qui devrait pourtant inquiéter tous les Montréalais, les déboires de Canadiens. Parce qu'on s'entend-tu que c'était pas mal la seule chose qui allait bien à Montréal? Oui. Mais ça, c'était avant que Carey Price ne devienne plus bon. Vous l'aimez un jour, trois semaines plus tard, vous voulez le crucifier. C'est un peu comme en politique, hein? Exactement. Et pour rester dans la politique, parlons un peu de Justin Trudeau. Un gars avec pas d'idées qui, selon Régent Breton, ancien prof de l'Université Laval, devrait passer sans problème. Les gens aiment l'image. Les idées, c'est bien fatigant parce que les idées, il faut s'informer. Puis s'informer, ben ça prend un effort. Et puis les efforts au Québec, c'est pas dans la culture. En passant, c'est pas parce qu'il travaille à Radio X que Régent Breton pense que les gens n'aiment pas s'informer, c'est juste un hasard. Presque dans le même ordre d'idées, Mario Dumont avait un excellent conseil à donner à Justin Trudeau. Si t'embauchais pour être conseiller avec le vécu que t'as eu en plus, reste demain. Je vais à faire la prochaine année là, sur un programme de 200 pages avec 10 idées fortes. Là. Ouais. Je dirais, attendons. Parade, souris, dis que le monde est fin et beau, puis tu veux les aider, on va regarder ce que ça donne. Hey, c'est à se demander pourquoi Mario Dumont est jamais devenu premier ministre. Pourtant, avoir des idées puis des beaux cheveux, c'est pas mutuellement exclusif, hein, Jean-Philippe? Ça, c'est vrai! Ça reste quand même toujours surprenant de voir que ceux qui se réclament du vrai monde trouvent souvent que le vrai monde est pas mal niaiseux. Va falloir qu'on m'explique ça un jour. L'autre sujet important de la semaine, c'est bien évidemment l'attentat de Boston. Richard Martineau, du Journal de Montréal, a d'ailleurs pondu, probablement sur sa bolle de toilette, une théorie sur les causes de cet attentat. Une théorie qui mêle terrorisme, musulmans et carré rouge. Moi, je vois une radicalisation des discours de révolte. On le voit rien qu'au Québec, là. Écoute, c'est pas rien. Ils ont enfumé le métro de Montréal. Très bon point. Il y a des gens qui ont lancé des pavés sous un viaduc sur des autos qui passaient en bas, autour dans lequel il aurait pu avoir des enfants, etc. Il y a une radicalisation des discours politiques et religieux. On dirait qu'on ne croit plus aux institutions. C'est drôle, hein? Moi, j'avais l'impression que c'était Richard Martineau puis ses amis qui contribuaient à la radicalisation des discours et qui voulaient moins d'institutions. Hey, c'est mêlant, la politique, gna. Et justement, M. Martineau s'est aussi inquiété de la possibilité que certains profitent pour contraindre encore plus nos libertés. Il parlait sans doute de Gilles Proulx qui, 10 minutes plus tard, au même micro, espérait des gouvernements plus autoritaires et déplorait la feluettisation des hommes d'État. L'homme déplore un homme, il se feluettise en Occident, en tout cas. Quels sont les hommes qu'on a là, depuis De Gaulle, depuis Churchill, depuis Margaret Thatcher? C'est vraiment là, les hommes. Il n'y en a pas. Bon, j'avoue que des hommes comme Margaret Thatcher, il n'y en a pas qui me viennent en tête vite de même. Autre opinion controversée, celle de Richard Latendresse de TVA, qui a un petit peu oublié qu'il était journaliste. Je pense que c'est prêt à payer lorsqu'on est une superpuissance, une armée aussi forte, et la fierté qu'on a pour les militaires, ben ça doit être compensé par le fait qu'on risque d'être victime à notre coup lorsqu'on fait subir ce sort-là à d'autres. Ou, autrement dit... Autrement dit, si on est fier de nos militaires, ça mérite que ça saute, qu'on se ramasse plus de jambes, plus de bras, les petits 8 ans morts. C'est normal, c'est le prix à payer quand on est fier de nos militaires. C'est le risque. José, es-tu fier des soldats canadiens? Tout à fait, mais je m'attends pas à ce que ça saute à Stoneham pour ça. Là. En tout cas, moi, je m'inscrirai pas au marathon de Stoneham juste pour être sûr. Terminons sur une note plus légère, puisque le grand écrivain de romans potins, Yann Halperin, y allait de révélations choc à propos de Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey, dans le cadre de sa chronique à Radio X. Personne veut Louis avec sa femme. Il est toujours avec des gars, mais Gary Bettman. Pour moi, Gary Bettman, il y a deux choses de coming out. Je pense, une chose, il est gay. Bon. Là, vous vous dites, ben voyons donc, Gary Bettman, gay. Attendez, laissez Halperin finir sa phrase avant de juger s'il est crédible ou pas. Une chose, il est gay. Le deuxième, je pense qu'il est un séparatiste. Bon, gay et séparatiste. Ah, ben oui. Une autre preuve que le hockey, ça se mélange bien avec la politique. Gna. Merci, Olivier. Oh. Ben, c'est avec... C'est officiel, le Canadien de Montréal s'est classé pour les séries éliminatoires, hein, ce qui veut dire qu'on devrait avoir beaucoup de problèmes de circulation au centre-ville lors des soirs de match ce printemps. Heureusement que la STM est là pour nous aider. Le but de ce message, présenté par la STM, avec l'aide du Canadien de Montréal. Voyons, shit, le système a-tu planté? De vous rappeler que le meilleur plan de match pour déjouer la circulation les soirs de partie demeure le métro! Avec son vaste réseau de métro qui plante tout le temps, allez-y donc à pied au Centre Bell, Vera! La STM, fier partenaire du programme, scoré dans son but du Canadien de Montréal! Ben, on va aller retrouver Catherine Desormeaux. Catherine, toujours salut. Sur le cas des tontons? Oui, je sens vraiment que j'amène du contenu à votre émission. C'est le fun. Oui, ben oui, c'est toujours le fun. Ben oui, je comprends. Donc, soyez là. Non, mais je suis rendue chez Lingerie, deuxième pot, au 4457 rue Saint-Denis, et je suis avec deux spécialistes de la brassière, avec Valérie et Émilie. Bonsoir, les filles. Bonsoir. Vous, qui avez habillé un sein puis un autre, pensez-vous qu'une poitrine peut rester soutenue sans brassière? Ben, il y a plusieurs techniques. À commencer par se déplacer tout le temps en faisant le pont. Oui. Même pas pour parler taxi. Mais vous l'aurez entendu ici, Jean-Philippe. Retenez tambour et trompette. Je vous remercie, Catherine, pour vos expériences extraordinaires. Vous êtes beaucoup plus agréable à travailler que Jean-Sébastien, sachez-le. Hein? Bye, Seb. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'autres choses que les totons, si vous voulez. OK. OK, good. Bye. Bye. Fred, vous pouvez applaudir. Hein? Ben oui. Ouais. Elle est bien stressée. Mais Jean-Sébastien n'est pas dur à remplacer. Fred, notre dernier chroniqueur. Son regard sur l'actualité insolite nous permet de rêver un monde meilleur grâce à sa faculté à rendre humain des faits qui semblent provenir d'un monde extraterrestre. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Hey Léa, je vous offre jamais de bière. Et ce qui est maudit, c'est qu'il m'en reste plus. Ben, ça, pourquoi changer une formule qui gagne à peu près? Mais j'ai le petit bout de bière que Laurent n'a pas bu au complet. Oui, j'ai pas de micro. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses à nos portraits bonheur pour gagner aux Olivier, si j'en buvais? Allez-y. Ben, c'est vrai, il a touché à ça, monsieur Parker. Oui, il a gagné deux. Allez, allez. Elle ne boit même pas pour vrai. Elle fait ça. Chicken! Igloo! OK, bon, ça c'est. Bon, passons aux choses sérieuses, les nouvelles insolites. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, vous. Allez-y voir. Je suis contente d'être là. Ben, d'abord, je vais vous parler de Paris. À Paris, ils vont tester des moutons pour faire l'entretien de certains espaces verts. Enfin. Je trouve que c'est une belle initiative. Je trouve aussi ça drôle qu'on vive à une époque où est-ce qu'on pense qu'on a eu une idée quand des moutons broutent de l'herbe. Ben, quand même. Faut pas sous-estimer le monde. Maintenant, aux États-Unis, ben, la doyenne des États-Unis est morte à 113 ans. Elle s'était fait remettre le titre de doyenne par le Livre des records suite à la mort d'une autre madame qui détenait jusqu'alors son titre. Ça a l'air tough être doyenne, tout le monde meurt. Ouais. Parlant de mourir, il y a un monsieur sans histoire qui est mort tout seul chez lui aux États-Unis. Ouais, et les policiers ont découvert des caisses de pièces d'or dans son garage. Ah. Peut-être un pirate, donc. Ça se pourrait. C'est mon rêve, moi, Jean-Philippe, de trouver un trésor. Ouais. Un jour, en creusant les plates-bandes chez moi, j'ai trouvé une grosse chevalière en argent. Pour vrai? Ben, j'étais contente, ouais. Enfin, j'habite dans la petite Italie, fait que j'étais surtout contente de ne pas trouver le doigt qui allait avec. Hey, ça me... Hey, Laurent Paquin rit. Mais ce monsieur-là, lui, son trésor, il va aller à un de ses lointains cousins, vu qu'il n'avait plus vraiment de famille. Ah, oui. J'ai aimé me dire qu'il y a enfin quelqu'un dans le monde qui a reçu le courriel. Bonjour, un de vos lointains parents est décédé. Nous aurions besoin de votre compte bancaire. Et c'était vrai. Ah, mon Dieu! C'était vrai. Donc, la prochaine fois que ça vous arrive, avant de le mettre dans votre spam, pensez-y. C'est une chronique d'espoir. Oui, c'est que du positif, ça. Essayez de vous souvenir si vous avez un mononcle pirate. Ouais. Juste si. On continue. Ensuite, Barack Obama s'est fait traiter de sexiste parce que lors d'un discours, il a présenté sa ministre de la Justice comme étant la plus belle ministre de la Justice du pays. Ah, bon. C'est dégueulasse. Je sais. Mais bon, on va être honnête, les filles, se faire dire Barack Obama que t'es belle, c'est pas exactement comme se faire siffler sur un chantier. Sauf que il est vrai que mentionner qu'une femme est belle dans le cadre de son travail, ça n'a pas vraiment sa place. Donc, je voudrais vous remercier, les garçons, de toujours vous retenir de me faire des compliments. Il n'y a pas de stress. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de stress. C'est très éthique. D'habitude, on est assez professionnel. Oui, j'ai remarqué. Ouais. Ça explique beaucoup de votre présence. Moi, je la trouve hideuse, mais compétente. Je sais pas comment le prendre. On en jase chez la psy la semaine prochaine. Okay. Et parlant de faux compliments, en terminant, une étude scientifique vient de prouver que la taille du pénis aurait finalement une importance. Je savais. J'ai un peu honte de vous l'apprendre. Ben, c'est que je sais pas ce que ça dit de nous qu'on ait réussi à vous faire croire le contraire aussi longtemps, en fait. Et en plus, que vous ayez eu besoin d'une étude scientifique pour le découvrir. On est des maudites menteuses. Je sais pas, ça me concerne pas, mais regarde, pour les gens qui... Moi, je compatis, en tout cas. Ben, regarde, moi, j'ai jamais vu ça, un petit pénis. Pour tous ces petites choses. C'est ça. C'est tout. C'est vraiment tout. C'est short and sweet cette semaine. Short Merci and sweet. Léa. C'est déjà la fin de votre dose d'humour social cette semaine, sur un sujet franchement rassembleur. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est Plus on est de fous, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Scott, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir, Laurent Paquin. Votre nouveau show, L'erreur est humaine. Vous commencez la tournée et vous êtes surtout ce week-end à Saint-Jérôme. Tout à fait. Alors, on va vous voir à Saint-Jérôme et partout ailleurs au Québec. Ben oui, laurentpaquin.com. Exactement. Merci beaucoup. Et Vincent Marissal, on lit la presse. Ben, papier, j'imagine, parce que... C'est au choix. J'aime beaucoup la presse plus. Moi, je l'ai, l'application. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça bien le fun. Ouais. Vous essaierez ça un jour. Mandez à vos enfants de vous montrer. Vous avez pas fait non, mais il paraît que la pub est super belle. Ah, c'était écœurant. Et bonne chance surtout avec Justin Trudeau. Quant à nous, si vous voulez réécouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez vous aussi venir assister à l'enregistrement, c'est les jeudis à 17h. Et nos invités, Louise Richer, où on parlera évidemment si l'humour est trop présent. Ben ouais, il y a trop d'humour. On en parlera. Et le ministre Pascal Bérubé. Ouais, il faut aussi de l'humour. Peut-être trop de touristes. Ouais. C'est ça. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.